J'entends même pas la basse, merde. Vous l'entendez, boss? Je ne suis pas. Dans la basse. Respect to all my men, let me see to go. le choix de décroche concerné. J'enregistre une boucle. C'est un peu pareil. Hein. We'll be right back. Just to get loin de chauffer. Thank you. pouvait rester comme ça. Si ça pouvait rester comme ça. Si ça pouvait rester comme ça. We'll be right back. Thank you.